بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. الحاقة. Qu'est-ce que l'inévitable ? وما أدراك ما الحاقة. Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable ? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Les Thamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Quant aux Thamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées.